بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki حفظه الله تعالى. الدرس الأول، الدرس الخامس والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعم، فبفضل الله تعالى من ذلك اليوم سنبدأ من كتابنا ذاك التعبير الجزء الثالث من كتب تعبير. نحن من قبل قد أخذنا الكتاب الأول لكن لم تكن معنا، أنتم نعم، وبعد ما كملت الأول كنت خلاص بعد الكتاب الأول ما واصل الكتب ما disais je continuerai pas dans ces livres là. لكن بعد الإخوة طلبوا مني نفتح ذاك الكتاب الثالث، فقلت لا بأس أن نرجع إليها لأن ما زال فيها شيء من الفوائد فعلا، إنما ينتبه إلى الصور. طيب صور، لكن ذاك ال 3 là il est mieux que le 1. Il y a plus de djinns dedans déjà. فهمت؟ الأول c'était plus la dunya, plus كذا كذا، وهذا في شيء من الدين أكثر. فلا بس أنا أدخل فيه ونستفيد من الكلمات الجديدة ومن التركيب النحوية والعبارة الجديدة. يعني كون بروفيت أن فو دي مو كيا دون. Même moi le premier je profiterai des mots qu'il y a dedans que je ne connais pas, et des expressions et des formules de phrases à employer. Lakin alhamdoulilah il est sahl, il est sahl. Wa tanbih lil ikhwa allazina yastami'un ila des durus sur l'internet, c'est que la plupart de ce cours sont en arabe, donc les débutants c'est pas mal une cible à moi. Yani le kitab il sera pour des gens qui ont déjà des bases en arabe, qui comprennent déjà, qui ont du vocabulaire et tout. أما لازم يفهم شيئا فما له أن يدخل في هذا الكتاب الآن. Donc il ne se précipite pas. Pourquoi dire je comprends pas. Ouais. Si t'as pas le niveau tu vas pas comprendre. هذا أكيد. نعم. أما الكتاب الثاني، est-ce que je vais en faire le 2؟ Ça je sais pas. En tout cas ça va avec toi. Toi tu l'as déjà fait toi le 2. Ouais. Donc est-ce qu'après s'il y aura des frères qui voudront le 2, on fera le 2. Allah alaihi on verra. نعم فأنت الحمد لله عندك شيء من الفهم فإن شاء الله لن نتأخر ما با تخو prendre de temps. Si on arrive à faire un dirs en un jour ou en deux jours la baisse c'est un bon rythme. Parce que j'ai regardé juste un coup d'œil et franchement c'est facile. أهم شيء العمل هو عليك في البيت. Tu vois, le plus important c'est toi à la maison. نحن نقرا النصوص إذا في كلمات ما تفهمها أنا أشرح لك معنى الكلمة. À la fin du livre, comme tu sais, il y a un dictionnaire, je pense que tu as remarqué, tu as un lexique. Par exemple, on dit que tu as un mot que tu as oublié, comme on dit quoi, tu vas à l'arrière, tu vas dans ce mot-là, hein. C'est dans les tableaux du... Tu vas à l'arrière et tu vas trouver un dictionnaire qui t'explique le mot. Ou avec des images, certains, je sais pas s'il y a des images dans celui-là, dans le 1 il y avait des images. Et là, c'est plus des définitions où il te donne des synonymes ou des antonymes. Mais par exemple, s'il te dit Jalassa, un exemple Jalassa, il va te mettre à côté un synonyme Qa'ada, ou le contraire Qa'ama, qui veut dire se lever. Ahadouhuma. Il ne va pas forcément te mettre une définition complète ou quoi. Tu vois, il va te mettre un synonyme du mot ou un contraire du mot. Non. Et moi, pareil, des fois, il se peut que je donne juste le synonyme du mot. Je vais te dire en français s'il y a besoin. Sinon, c'est un synonyme que j'en ai en tête. Non. Taïeb, fal. Ça n'a pas fait d'être l'awel. Taïeb. Nel wahdat l'oula. Yani la première unité. Qui est le premier cours. Bi'onwen et l'ibadat. Yani l'ibadat. Kamal al-alifta l'ibadat. Mahia. فوق اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه من أقوال وأعمال وظاهرة وباطنة. نعم أحسنت. هذا هو التعريف الشرعي الذي جاء به الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Et en français, ibadat, tu dis comment ? Adoration. Fahadal Modo, Al-Ain, et Tarab, Yichudba Jumu'a. C'est une khutba qui a été donnée et que deux frères, deux amis se rencontrent hein, et vont commenter. Fahadal Modo, Al-Kalimat Al-Jadida. Yahoul, Awalen. Attention aux images. Hein. Moi, toi, tu as enlevé tes images, toi ? Hein ? Toi, tes images, elles sont enlevées ? Ouais. Alhamdulillah, moi, je le ferai après, juste pour au fur et à mesure. De toute façon, sur le site, la version du livre que je mets, tu n'auras pas d'image. Je demande à un frère qu'il enlève les images. Et Inch'Allah, il n'aura pas d'image. Biznallah. Pas mal. Il y a quoi Al-Kalimat ou Al-Jadila. Il y a quoi Awalan. Labba yulabbi. Ou Al-Masdar Talbiya. Maman Al-Labba yulabbi. Talif Maman Al-Labba yulabbi. Aïwa. Ajaba. Répondre. Kafil Hajj. Tu appelles Talbiya, c'est quand tu réponds à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le hajj pour l'umra. Fa labba yulabbi, c'est istijaba. Ma'ana istijaba. Talbiya. Ma'ana istijaba. Répondre quoi. Min kalimatuna labbayk ya Rasulallah. لما قال يا معاذ فهمت يا معاذ علمك كلمة قال لبيك يا رسول الله ثم مر ساعة ثم قال يا معاذ ثم لبيك يا رسول الله je te réponds je t'appelle je te réponds لبيك il vient de là de ce moment-là اشتمل يشتمل والمصدر في اشتمالا المصدر في اشتمالا ça c'est un خماسي à la وزن افتعل اشتمل c'est معنى يعني regrouper englober تفضل englober c'est ça englober regrouper ايوه فتقول هذا درس يشتمل يعني فوائد كثيره في gros ce درس طبعا وهو beaucoup de فوائد طيب المجتمع في on va dire la société. Moujtama non, là il veut dire la société. Le lieu de, là où les gens vivent ensemble. Tu vois. Là dans le texte, ils veulent dire genre l'ensemble de vie des gens, quoi. La société. On va dire comme ça, la société. Malazat, ça c'est le plaisir. Malazat, c'est le plaisir. Risala, una. Risalat al-Din, c'est le message. Allah dit à Bihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À la base, Risalat, c'est le naître. Lakin la cause na'wa, c'est le message. Parce que j'ai du mal à faire à l'œil. Kataba ibn Qusayn din. Pour dire ce qu'on rapporte le din, c'est Risalat, le message. Sahih, sahiha, ma'ruf. Sahih, c'est vrai, authentique. Ça peut être aussi. Le contraire de marid, de malade. La santé ? Et oui. Marid ou l'axe, sahih. Le mot siha, il vient d'où ? Il vient de là. Al-fani, al-faniya, c'est éphémère. Al-fani, c'est-à-dire éphémère, une chose qui ne dure pas. Comme a fait Kouli Ta'ala, wa kulla ma la wajha fan. Amt. طيب الفرائض c'est le jam de الفريضة c'est une obligation واجب il y en a واجب الفرائض والجم فريضة معنى الواجب une obligation نعم تقوية ومصدر في قوة يكوي Kawwa, yukawwi, bimana, renforcer. Minhuna kuwa. Voyez, kawwa, yukawwi, mana, renforcer. التقوية هذا المصدر. طيب الأخوة معروف شمس تكنا فتنيدي الأخوة لفتنيدي من هنا كلمة أخ. الاجتماعية يعني قريب من المجتمع يعني سوسيتي باري مثلا الحياة الاجتماعية سي لا في ان سوسيتي ان جروب. على la base اجتماع سي ريونيون اجتماع وحدة سي ريونيون والاصل لو جيم لو ميم لو عين كوم جماعة كي veut dire groupe. الفضيلة سي on va dire le mérite, la vertu. Quand tu es toute seule, elle fadila. Mais quand on dit par exemple fadila tashir, souvent on dit par sa grâce. Tu vois. Mais fadila tout seul, un rajul indaka fadail, zou fadila, c'est quelqu'un qui a des mérites. Hein? Comme on dit maintenant, el akh el fadil, le frère de mérite, agada. Tanawul. تناول سي المصدر دو فيرب تناول يتناول تناول يتناول بمعنى هنا دون التكست يو دير prendre le repas ça va venir ça veut dire aussi recueillir تناولت الثمر في شجرة j'ai cueilli le fruit de l'arbre dans le sens de saisir quelque chose prendre quelque chose tu vois. Une fois j'en ai parlé je parlais avec quelqu'un je lui disais تناول معنى معنى saisir ou كذا ou cueillir il m'a dit ah mais c'est le شرطة. Comme la police, on dit, il y a qui le criminel, je dis non, c'est pas zéro blague. La tanawat est surtout le mujilim, tu vois, que la police a attrapé le criminel, je dis non, c'est pas zéro blague. C'est kabada, tu vas dire. Kabada. On dit, ils ont saisi. Ah, mais tanawala, non, c'est pas bon. Pas même. Donc tanawul, ouna, c'est un mazdar de tanawala, qui veut dire. Là, ils vont dire Tana ou le Radas, ils vont prendre le repas. Ashaddu, ça c'est l'ism tafdil de Shadid. Pire, mathalan. Tu vois. Pire, on dira, c'est marna pire. Mashari, c'est les occupations, les choses qui t'occupent. Mashari, les occupations. Awasir, c'est le djem de Asira, bimana alaqa, lien, relation. Lien, relation. Awasir, djem Asira, avec un med, le alif au début, le hamza, il y a un med, il y a une vague dessus, une mouge au-dessus du alif. Asira. Non, mana alaqa. Mana rawabit, des liens. Les relations. Farada yafridu, c'est ça vient de fard qui est une obligation. Voyez, il y a de fard bimana al wajib كذلك. Wal farida, on a pris au-dessus, al faraid, ça vient de là aussi. Al fa al ra wal dad. Al wi'am ma'na al silm, yani la paix, l'harmonie. الوئام معنى هكذا السلم. الصلة معنى مثل الأواصر مثلا دي صلة الرحيم سي كوا لين دو بارونتي داكور اي دون اتصال pour dire lien le fait de lier pour les choses contact. ثم جامع بمعنى شامل qui regroupe par exemple. C'est-à-dire c'est une parole qui englobe beaucoup de choses. Elle englobe beaucoup de choses. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On m'a donné genre une parole concise mais qui englobe beaucoup de sens. Avec peu de mots, il va dire beaucoup de choses le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc jamia, la jamia c'est université. Sans voulu, là c'est université. Jamia. Comme ça, une jamiat l'islamia, c'est une médina. al-jami'a. Kasa yaksu, qui veut dire habiller, revêtir. Également, ça pourrait vouloir dire donner. Dans les hadiths, c'est venu dans le sens de donner. On a a'ta. Al-ari, c'est celui qui est nu, qui n'a pas de vêtements. Qu'a fait le hadith, et Ibn Adam, kulukum arin, il est man kasautu. Fashtaksouni aksoukum. Dans le hadith, le long hadith, yo, fils Adam, vous êtes tous nus avant celui que j'aurais revêti. Alors demandez-moi que vous habillez, je vous habillerai. Dans le bain, là, celui-là. Aratha yurithu. Ma'ana soutenir. Ça aussi peut être venir en aide. Voyez. Malhouf, ma'ana mazloum. Affligé également. Mouhtaj. Waqqara yuwaqqiru, ma'ana ihtarama. Yani respecté. Wal masdar tawqir. Tawqir. Tawqir. فمن هنا سنبدأ نقرأ النص إن شاء الله. طيب إننا علي وأحمد هنا دو بيرسوناج علي أحمد je vais lire la narration comme le Mukaddima. Toi tu vas faire علي et moi أحمد. الأحسن في المستقبل إن لم تكن من قد يعمل على هذا أن تقرأ النص قبل الدرس. Toi ce que tu fais c'est que en fait chaque jour on a fait un درس, toi tu prends l'avance. Tu lis déjà ce qui va arriver par la suite. En fait t'es déjà dans ta tête, déjà tu comprends déjà ça va être quoi le sujet ou quoi. Et quand tu vas lire tu seras plus à l'aise. Tu vois. Si t'attends le jour où tu es devant moi tu vas peut-être bégayer, peut-être tu vas avoir du mal. Alors si tu lis chez toi déjà à l'avance plusieurs fois, alhamdoulilah en fait tu te comme yokol tastardir le درس. Tu te prépares en fait à l'avance. Même les ulama ils font ça, faut pas croire, avant un ders, ils le préparent. C'est pas il vient comme ça et il improvise. Avant un ders, même chez lui, il révise. Même Charles Samuel, c'était raconté de lui, il faisait comme ça. Charles Samuel aussi, il fait comme ça. Avant un ders, chez lui, il le revoit. Même Charles Abdelbaké, il revoit le ders. Il y avait les favoris qui veulent rajouter tout ça. Comme ça, le ders, il est préparé, machallah, propre. Et des fois, t'as pas le temps, bon, tu vois, quand c'est un ders. Et si le ders, tu prépares bien, tu vois, même moi, le ders, avant de le faire, je le relis, tu vois. Je le regarde et tout. S'il y a des mots que j'ai oubliés ou que je ne me rappelle pas, que je connais pas, je les cherche. Alors là. Istihdar. Istihdar. Istihdar. Ah oui. Si tu peux pas le dire, ça l'avance en fait. Bah. Donc je vais lire l'énoncé, du moins le Mukaddima. Après toi, tu vas lire le Ali. Moi, je dis Ahmed. Quand même. Fayakoul. Kharaja et Sadiqani. أحمد وعلي من المسجد بعد أن أديا صلاة الجمعة دعا أحمد وعليا لتناول طعام الغداء معه لبى علي الدعوة ففي منزل قبل تناول طعام الغداء تحدثا عن خطبة الجمعة. Donc là qu'est-ce qu'il dit que deux amis sortirent صديقان بس مثنى un duel c'est qui Ahmed et Ali من المسجد du masjid بعد أن أدّيا صلاة الجمعة après qu'ils aient fait la صلاة الجمعة أدّيوا أدّي c'est faire quelque chose vous voyez أدّيوا أدّي c'est faire quelque chose accomplir non t'en ouais. Restes c'est bon c'est accomplir accomplir non aussi non دعا أحمد عليا لتناول طعام الغداء donc دعا là il a en fait il l'a invité parce que دعا c'est pas seulement invoquer c'est aussi appeler. Manadaa, il donne le radar, c'est le fait d'appeler aussi invité. Donc il dit que Ahmed a invité Ali pour prendre le repas avec lui. Donc labba Aliun da'wa, que Ali a répondu à l'invitation. Da'wa égale appel et invitation. Quand tu as contacté Runa, c'est l'islam, tu les invites à l'islam. Et au tata ou fulanen, le radar, tu l'as invité à prendre le repas. Donc, elle doit aller à l'île là, في تفصيل تمام لك هذه سيدي الشيخ تعبيتي انت شو يا اخي نو سي با سي الدعوه لا parce qu'en France souvent on croit que da'wa c'est juste da'wa c'est l'appel et c'est le du'a c'est juste la vocation non ça ne change plus large littéralement parlant non في منزل كوك تناول طعام الغداء تحدثا عن خطبة الجمعة donc dans la maison avant de prendre le repas ils ont discuté تحدثا c'est-à-dire tous les deux de la خطبة الجمعة تفضل يا علي لقد كان خطبة اليوم كانت خطبة اليوم خطبة اليوم مفيدة اجتملت على الجوانب الكثيرة أو جوانب كثيرة لا بد أن يقول على جوانب كثيرة نعم يحتاج مجتمع أيوة يحتاج المجتمع مجتمع نعم تبقى الحركات دي بس لا يبقى يحتاج المجتمع إلى أن يذكر بها من حين الآن الآخر من حين لآخر طيب فهمت الجملة تستطيع أن تترجمها تخرجها على الفاز دونك لا خد با ايتي بروفيتار نعم اي لا غلوبي دو نومبروز شوز دو نعم اسبي و يحتاج ان يا بيزوان دون Il y a un mujtama dont la société, les gens en général ont besoin qu'on leur rappelle. Là, le mujtama, c'est le CRL. Le mujtama, il y a un yuzakar qu'on lui rappelle cela. Et minhin li akhar de temps à autre. Minhin, c'est temps, un instant. Li akhar, autre, de temps à autre. C'est le ma'ana. Par exemple. C'est une ibara, min hin li akhar. Ou des fois, on peut dire aussi min hin ila akhar. De temps à autre. Taïeb, Anas Akra Ahmed, Yakul Hakkan, Lakad et Sarafat, Mashayir ou Lahayat, ou Maladatuha, et Nasa, et Ta'alim, et Din, et Sahiha, et Ladijad, Biha, et Saratu, et Muhammadiyya, et Sara, et Kathiru, Minhum, Yelhathu, Wara, et Dunya, et Fania, Nasien, et Akhira, et Baqiya. Donc il dit « Hakkan », ce serait pour dire « vraiment ». Tu vois ?« Misfi alan » pour dire « vraiment ». Tu vois ?« Vraiment ». Que les occupations de cette vie et ses plaisirs ont distrait ou détourné les gens, vous voyez, des enseignements réels de la religion. « Anta alim ad-din as-sahiha ». Vous voyez, « Maladat » on dit « c'est les plaisirs ».« Mumashari » c'est les occupations. « Wasarafa yasrifu » c'est Ça peut être dans le sens de détourner quelque chose. Hein, donc, ces mêmes enseignements qui ont été apportés par le message prophétique. Là, ils disent Mohammed Yassir, pour dire le message de Mohammed. Donc, beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire les gens, se sont mis à s'essouffler derrière la vie de ce bas monde, qui est éphémère. Al-Faniya, c'est éphémère. Vous voyez ? Et Al-Hafou, c'est s'essouffler derrière. في كل تعالى مثل الكلب تتركه يلحف هذا يعني كل شيء سيكون تلا كتلا سوف كم يفعل كم تلا يسوف تيوا donc les gens ils font pareil derrière la dunya ناسيا الآخرة الباقية et ils oublient l'au-delà qui elle dure باقية c'est de باقية le fait de rester la tendance de durer la dunya elle est éphémère نافية فانية والباقية ولا عفوا الاخره باقيه نعم علي ان كل ما ذكره الخطيب اليوم هو ما نادى به الاسلام ما نادى به الاسلام وان الفرائض ما فرضت الى لتقويه السله بالله سله بالله ولتقويه ولتقويه ولتقويه عواشر الأخوة والمحبة بين المسلمين. نعم. تعالى ترجع. ce qui a été dit dans la khutba aujourd'hui. نعم. plutôt ce que le khatib a dit aujourd'hui, a évoqué dans la khutba aujourd'hui. Et le khatib celui qui fait la khutba. Le khatib. نعم. c'est ce que à quoi appelle l'islam. أحسنت. نادى ينادي c'est appelé. comme obligation. لا يعني يقول وإن الفرائض ما فرضت إلا لتقوية الصراط بالله أجل أخواتها que les obligations tout ce qui est obligé c'est ce qui a été légiféré par non en fait il dit quoi parce que les obligations n'ont pas été imposées si ce n'est pour renforcer les liens avec Allah. D'ailleurs, elles n'ont été imposées aux serviteurs que pour renforcer les liens avec Allah. Pour dire que ce n'est pas mis ici pour faire des corvées. Hein? Il y a une maslaha derrière. D'ailleurs, tu verras, la alaka kaddarasta fi al-qawaid al-fiqhiyya de Sa'di. Tu l'as fait ? Ah, bah tu as la première règle, c'est quoi ? Ma amara bil shar' فهو مصلحة خالصة أو راجحة. C'est-à-dire tout ce que la législation ordonne, c'est que pour un bien pur ou alors pour un bien prédominant. C'est-à-dire il y a un mal, il y a un bien et le bien est plus fort. وما نهى عنه الشرع فلأنه مفسدة خالصة أو راجحة. Est-ce que ça interdit la religion? C'est que qu'il y a un mal pur, il n'y a que du mal, ou alors il y a bien un mal mais le mal est plus fort. C'est la première règle que tu vas apprendre dans le kitab. Donc il te dit que tout ce que la religion nous a imposé, c'est que pour un bien en fait. Allah veut la facilité pour nous et pas la difficulté, contrairement à ce que les gens disent. Et celui qui dit que la religion est dure, c'est quelqu'un qui n'est pas muwaffaq, il n'a pas compris. Alors, il n'a pas d'artisan, comme on dit. Tout le temps il se plaint, c'est dur, j'en ai marre, kaza kaza. Il n'a pas d'artisan. Non. Taïeb. Summa. Fini. والتقوية أواصر الأخوة والمحبة بين المسلمين. ما معنى هذه الجملة؟ pour renforcer les engagements. On a dit quoi? أواصر, c'est le verbe de أصيرة qui veut dire rattachement. Les liens. Parce que moi j'avais les liens. Parce que أواصر c'est un autre mot, c'est un engagement. Là dans le sens voulu, ils veulent quoi? Ils veulent les relations. Les échanges. Les liens de fraternité l'amour entre les musulmans. Yaqul Ahmed laqad ihtamma al-islam bil hayat al-ijtima'iyyah fal ayatu al-karimatu wal ahadith al-sharifatu allati waradah wa awradaha al-khatib tad'u ila musawamati wal mahabba wal wi'am. لأن الإسلام دين المحبة ودين المجتمع الفضيلة. Il dit quoi? Quand on dit la côte, c'est pour renforcer sa tawhid. Il a dit que l'islam a donné beaucoup d'importance à la vie en société, la vie en groupe. Voyez? Et que les nobles versets ainsi que les nobles ahadith cités et évoqués par le khatib, c'est-à-dire celui qui a fait la khutbah, appel à l'égalité et l'amour et l'harmonie. Alors, quand on dit égalité, on se comprend. C'est pas l'égalité comme le koufar des vols. Je rentre tous égaux. Elle est staoui, la yarlamoun. Même en islam, il y a des grades. Le savant, il n'est pas comme l'ignorant. Le gouverneur, il n'est pas comme le gouverné. Celui qui a une responsabilité, il n'est pas comme le père, il n'est pas comme le fils. L'homme n'est pas comme la femme. La même chose. D'ailleurs, pour lui d'Allah, pour ce qui est des obligations, on est égaux. D'accord, mais certains déchargent plus d'autres que d'autres. Donc il y a une égalité, et en même temps, non. Par exemple, l'esclave n'est pas comme le libre. Mais par rapport au fara'id, min haqqillah, on est tous pareils. Tu vois? Et le meilleur auprès de nous, inna akramakum indallah, atqakum. Ah, mais nous, il n'y a pas comme chez les chrétiens, genre il y a le prêtre, il y a le pape, et les gens en dessous, ils sont pas comme eux. Nous, la salade, c'est tout le monde qui l'a fait. La siyam, c'est tout le monde qui l'a fait. Le savant, il fait comme toi. Après, les gens rajoutent. Puis ils sont pieux, puis ils font des nawafil. Ah, mais sinon, ce qui est wajib pour toi, c'est wajib pour moi. À part si tu ne peux pas le faire, toi. Ou à part, par exemple, un célibataire, ouais, il n'a pas payé pour une femme, il n'est pas marié. Par exemple, toi, tu as une famille. Ah, le kanafaka. Tu dépenses pour eux. Le célibataire, il n'a pas ça, tu vois. Mais le jour où il est marié, hop, il rentre dedans. Ou le hajj. Celui qui a un pour le hajj, je vais le faire. Celui qui n'a pas, il n'a pas à le faire. Tu vois, non, pas si les choses sont présentes. On est tous pareils. Ce qui est wajib pour moi, c'est wajib pour toi. Donc, cette moussawa, c'est l'égalité. Car il dit que l'islam dit le mahabba, c'est l'origine de l'amour. Et même ce genre de phrase, fais attention, parce que les gens ils vont dire, ah, ce genre, l'amour c'est vrai, mais le musulman il n'aime pas tout le monde. Alors les musulmans, il a un wala ou un bara. Il n'aime pas tout le monde, il n'est pas tout le monde pareil. Même les musulmans, on ne les aime pas tous pareils. Plus ils sont pieux, plus on les aime, plus ils sont des foussacs, moins on les aime. Et le kafir, on ne l'aime pas. Donc, enfin, parce que des fois, c'est, ça fait comme le, les chrétiens disent, Dieu est amour, tu vois. Dieu est amour. Et on s'aime tous. Et ces gros menteurs, ils détestent tous les uns les autres, ils sont la guerre, mais Dieu est l'amour, on est frères. Vous n'êtes pas frères, vous n'aimez pas, c'est pas vrai. Donc ça, si ça m'appelle un mahabba, ça veut dire qu'on aime tout le monde. Wa din mujtama al-fadila, et qui est, c'est la religion d'une société noble, on va dire, de mérite, de vertu. Non. Tfadol, il y a... Ali. ولكن ما أقولك في الذي في الذي لا يكرم لا يكرم الضيف ضيفا ولا يزور مريضا ولا يحرم المسكين مسكينا ولا يطعم الجائعين جائعا ولا يكسو عاريا ولا ولا يغيث الملهور الملهوفة ملهوفة لا يعيث ملهوفة أيوة حاول mais si je te dis que... cependant que dis-tu que dis-tu de c'est soit non hein moi c'est soit non ah ouais maintenant que penses-tu ou bien ouais que dis-tu en fait cependant que dis-tu de de ceux qui ne font pas celui un samoufrat l'azi ah ouais de celui qui ne qui offre pas honoré Karama Yukrimu c'est honoré l'invité mon voisin ah non t'as c'est l'invité l'invité qui ne visite pas le malade l'âme qui ne fait pas miséricorde aux, aux pauvres l'âme et qui ne donne pas à manger à celui qui a faim l'âme et qui n'habille pas celui qui est nu l'âme et qui n'aide pas le matelot celui qui est opprimé voilà l'affiché il vient pas en aide à l'affiché. هذا معنا نعم كل هذه الأشياء صحيحة من الدين تسكي دينا سبحانه وتعالى لكن قبل هذا أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا اسكو سا شي لي كفار تروفي سا لي كفار لازم سا ils ont l'invité ils visitent les malades ils font miséricorde aux pauvres ils nourrissent les pauvres ils donnent à Amadeus l'abbé Pierre Père Teresa tout ça ils le font ça tu vois maintenant le point culminant qui nous distingue nous de eux, c'est quoi? C'est le tawhid. Et l'iman. Mais ils n'ont pas ça. Parce que tu as des koufars, ça ils vont le faire. Et tu as des musulmans, ça ils ne le font pas. Pourtant, ce n'est pas les koufars. C'est des gros radins, c'est des gros, tu vois, et ils ne le font pas. Pourtant, c'est des musulmans. Donc, avant de commencer, à Walshé, tu as trouvé le tawhid. Parce que les gens vont dire, bah, moi, ça, je le fais. Ah, je n'ai pas besoin d'être musulman, mais je le fais, ça. Donc, comment tu réponds à lui? Hein? Il va dire, moi, je le fais, donc, je suis quelqu'un de bien. Non, tu n'es pas quelqu'un de bien. Pourquoi tu parles Allah? Le premier. Wajib alayk an ta'bud Allah. Même si tu fais plein de péchés, si tu dis la ilaha illallah avec les shurut, tu entres au Jannah. Ah bah tu peux faire ça toute ta vie là. Ce qui est cité là, là, et tu n'as pas de tawhid, c'est vivant. Ça ne sert à rien. Tayyib yaqul Ahmed, wa kayfa nakunu muslimin in lam nuwaqqir saghiruna in lam yuwaqqir. يوكر صغيرنا كبيرنا ويرحم كبيرنا صغيرنا ويساعد غنينا فقيرنا ويعلم عالمنا جاهلنا ويهدي بعضنا بعضا. Donc il dit comment serions-nous des musulmans? Pas dans le sens de takfir ou quoi, dans le sens mouflin, hakon, tu vois vraiment. Genre sérieux ou bien? Voilà, genre vraiment sérieux, vraiment engagé. Tu vois ça qu'il veut dire, pas genre si on fait pas ça, on est des koufars. Il veut dire comment serions-nous des musulmans au sens propre du terme si nos petits ne respectent pas nos grands. Et que nos grands ne font pas mieux d'accord à nos petits. D'ailleurs, il y a un hadith qui a dit Manam Wakir Kibarana, voilà, Yarham Sirarana, Falesamina. Il y a le hadith. Nabi Salam, celui qui n'affecte pas nos, ans, nos grands, c'est-à-dire les personnes âgées, et qui ne fait pas mieux d'accord à nos petits, n'est pas de nous. Ce n'est pas de takfir, c'est-à-dire c'est pas de nous, sunnah. Non. Et que nos riches aident nos pauvres, Yarhamkallah. Et que nos savants enseignent à notre ignorant et que certains d'entre nous se guident les uns les autres. Vous voyez, lakin huna hidayat l'irshad, c'est pas l'ilham ou le tawfiq. C'est-à-dire, c'est la guidée, genre la guidée qui était appropriée par l'enseignement, par la ta'wa. Amma al-hidaa min al-hidaya min Allah, aslam. Naam. Ali. Et là, en fait, Ali veut parler, mais l'autre, il le coupe. Alors, Ali veut dire, certaines personnes, et là, Ahmed, il le coupe, il dit, Aïya, natanawel ta'amana, wa nukmili al-haditha ba'd dhalika. Il dit, allez, on mange dans le sens. On mange, et on complétera la discussion après cela. Allez. Non. فبدأ فهمنا ذاك النص سنبدأ فقط في الأسئلة التدريب الأول juste on va faire pour demain quand le temps de réviser les mots on va juste prendre l'exercice et le reste ou on le fait ensemble ou une partie à la maison c'est tout فتدريب الأول يقول أجيب عن الأسئلة الآتية التالية réponds question suivante يقول من أين خرج صديقان خرج صديقان من لا ça tu vas l'écrire tu n'y arrives pas maintenant juste moi je te dis les questions pour ça que tu as bien compris ça Hein? T'as déjà fait? Là, alors là, c'est le devoir de maison. T'as déjà fait? Vas-y, ça y est, réponds. Allez, on le fait maintenant direct alors. Min ayna kharaja sadiqani? D'où sont sortis les deux amis? Kharaja sadiqani min al masjid. Naam. Ma'ana? Sont sortis de la mosquée. Naam. Mata kharaja? Quand sont-ils sortis? خرج بعض أن يؤدي صلاة الجمعة. بعض أن يؤدي صلاة الجمعة. أدي وأدي. بعض أن أدي. بعض أن أدي صلاة الجمعة. أيهما دعا الآخر؟ quel des deux invite l'autre؟ دعا الآخر على. على quel des deux invite؟ أيوة. أيهما دعا الآخر؟ quel des deux invite l'autre؟ C'est Ali. C'est là. C'est Ahmed. Ahmed d'A Ali. D'A Ahmed Ali. D'A Ahmed ou Ali. D'A Ahmed ou Ali. Non. طيب رابعا فيما تحدثا قبل تناول الغداء. De quoi tu discutais avant de prendre le repas? تحدث قبل التناول الغداء في خطبة الجمعة. عن. تحدث عن. فتجيب عن. À propos, ils ont discuté au sujet d'eux à propos de. طيب خامسا هل كانت خطبة الجمعة مفيدة لماذا؟ هل كانت مفيدة؟ خطبة الجمعة. كانت مفيدة. اشتملت على لأنها اشتملت لأنها اشتملت لماذا؟ أقول لماذا؟ tu réponds par لأن après tu as la réponse لأن على لأنها لأنها على لأنها اشتملت تبدي لأنها اشتملت على جوانب جوانب كثيرة نعم معنى qu'elle était profitable parce qu'elle parlait de plusieurs choses نعم différentes l'aspect comme tu avais dit tout à l'heure طيب سادسا ما الذي اشتملت عليه الخطبة اشتملت عليه الخطبة فرائض الصلاة بالله صلة بالله فرائض وصلة بالله ايوه سابعا ما الذي جعل كثيرا من الناس يلحثون qu'est-ce qui a causé que beaucoup de gens sont mis à s'essouffler derrière la dunya c'est quoi la cause السبب يلحثون Fiché 1, il y a deux choses, c'est même on les a pris dans le vocabulaire du début. Excusez-moi, moi je ne dis pas Fania ou Nissian al-Akhir. Là, c'est pas la bonne réponse là. Là, il te dit c'est quoi? C'est Al-Mashari ou Al-Maladzat. Ah, ouais. Il y a les plaisirs et les occupations. Les plaisirs et les occupations. ثامنا بما اهتم الاسلام يعني الاسلام à quoi tu portes à de l'importance اهتم الاسلام بالمساواه والمحبه والوئام والاخوه طيب تاسعا إلى أي شيء تدعو الآية والأحاديث التي وردت في الخطبة. De quoi, à quoi appellent les versets, les hadiths qui ont été évoqués dans la khutbah? تدعو الآية والأحاديث التي وردت في الخطبة على التعليم الدين الصحيح. في هذا الحال, quand tu fais une réponse comme ça, le mieux, tu prends un demi-heure pour pas répéter. Tu dis directement هي تدعو إلى. هي تدعو إلى. Et à quoi tu fais la réponse? Pour pas avoir à répéter, que la phrase soit plus courte et plus légère. نعم. عشرا ما واجب الغني نحو الفقير والكبير نحو الصغير. Quelle est l'obligation du riche envers le pauvre et du grand envers le petit? يساعد الفقير ويوقر الصغير. لا, c'est pas le يوقر الصغير, c'est يوقر الكبير. Là, c'est quoi que le كبير fait pour le petit? يرحم. يرحم. Et juste, ben, toi tu révises le texte et le vocabulaire. Waraden ukmil et atribat bi'idillah. Tu l'as déjà fait tous? Ouais. Tu vois, ça fait le mourager en même temps comme ça. On l'a fait ensemble comme ça et tout. Ouais, le truc c'est quoi le problème? Je sais pas. Et ce que t'as pas fait, ben, on verra ensemble bi'idillah. Voyez? Et enfin, kul kitab yamshi ila hadha al-namuzaj. Il marche sur ce uslub. Tu vois, c'est Ders, d'abord Kalima Jadida, après le Nos, le Hiwar, après les questions sur le Hiwar, et après des exemples qui t'aident à t'inspirer de l'usul qui est dans le texte. T'as mal? Voyons. Next one? Non. Là? Voyons. Walhamdulillah bil alamin.